Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La notion de territoire chez les animaux, la famille chez les animaux, l'alimentation chez les animaux, tels sont les titres des précédents volets de la série « Mes amis les loups » proposé par Nicolas Strotsky au milieu des années 70. Les loups, oui, mais aussi les singes, les caribous, les lions, les oiseaux et les souris. Première diffusion de ce quatrième épisode, le 24 juin 1975. Les loups sont-ils des animaux sanguinaires et tueurs de caribous? Leur légende est-elle conforme à la réalité? Pour justifier une destruction de l'espèce, les autorités canadiennes ont chargé un biologiste et zoologue, Farley Mowat, de faire une enquête. Seul dans la région de Barren, au nord-est du Canada, Farley Mowat observe avec l'aide de deux Esquimaux, Mike et Otek. Il découvre ainsi que les loups sont tout à fait différents de la réputation qui leur est faite. Le récit, tendre et ironique de Farley Mowat, interprété par Michel Galabru, est tiré du livre « Mes amis les loups », publié par Artaud. Après avoir appris de quoi vivent les loups, nous verrons aujourd'hui, avec le professeur Rémi Chauvin, quel est leur rôle dans l'équilibre naturel et quel est le mécanisme des régulations des populations animales. Je m'enquis auprès de Otek de la manière dont chassent les loups. Avec son amabilité et sa patience habituelle, il entreprit de me mettre sur la bonne voie. Pour commencer, il me dit qu'un caribou bien portant pouvait battre facilement à la course les loups et que même un faon de 3 semaines était plus rapide que la plupart d'entre eux, sauf les plus vifs. Les caribous sont parfaitement conscients de leur supériorité et savent que, normalement, ils ont peu à craindre de la part des loups. Les loups le savent aussi, et comme ils sont très intelligents, ils ne tentent que très rarement de poursuivre un caribou en bonne santé, sachant très bien que ce serait un gaspillage d'efforts insensés. Au contraire, à ce que me dit Otek, les loups adoptent une technique consistant à tester systématiquement l'état de santé et la condition générale des daims en s'efforçant d'en découvrir un qui ne soit pas en bonne forme. Lorsque les caribous sont nombreux, ce test s'accomplit en poursuivant chaque harde et en les faisant fuir assez longtemps pour qu'elles révèlent la présence ou l'absence d'une bête malade, blessée ou en quelque façon inférieure aux autres. S'il en existe une, les loups se concentrent sur elle et essayent de la tuer. S'il n'y en a pas, ils abandonnent rapidement la chasse et vont tester une autre harde. C'était là une conception toute nouvelle pour quelqu'un à qui l'on avait appris à croire que les loups étaient capables d'attraper n'importe quel gibier et que, mus par un insatiable appétit de sang, ils massacraient tout ce qui passait à leur portée. Ce fut lorsque nous en vîmes à discuter de la place du caribou dans la vie du loup que Otek m'ouvrit réellement les yeux. Le loup et le caribou étaient en relation si étroite, me dit-il, qu'ils formaient ensemble presque une seule entité. Il m'expliqua sa pensée par une histoire qui avait un parfum d'Ancien Testament. Mike m'assura cependant qu'elle appartenait au folklore semi-religieux des Esquimaux de l'intérieur. Voici une paraphrase de l'histoire racontée par Otek. « Au commencement, il y avait la femme et l'homme, et rien d'autre ne marchait sur la terre, ne nageait dans l'eau ou ne volait dans l'air. Jusqu'au jour où la femme creusa un grand trou dans la terre et se mit à pêcher. L'un après l'autre, elle tira du trou tous les animaux. Le dernier qu'elle sortit du trou était le caribou. Alors Kaïla, qui est le dieu du ciel, dit à la femme que le caribou était le plus grand cadeau qu'il lui faisait, parce que le caribou servirait à faire vivre l'homme. La femme libéra le caribou et lui ordonna d'aller partout sur la terre et de se multiplier. Et le caribou fit ce que la femme lui ordonnait. Et, rapidement, le pays fut rempli de caribous, de sorte que les fils de la femme chassèrent bien, furent bien nourris et vêtus, et qu'ils eurent de bonnes tentes de peau pour y vivre, tout cela grâce aux caribous. Les fils de la femme ne chassaient que les caribous gros et gras, car ils ne souhaitaient pas tuer les faibles, les petits et les malades, parce qu'ils n'étaient pas bons à manger et que leur peau n'était pas bonne. Et après un certain temps, il arriva qu'il y eut plus de caribous faibles et malades que de caribous gros et gras. Et quand les fils de la femme virent cela, ils furent mécontents et ils se plaignirent à la femme. Alors, la femme fit des incantations magiques et elle parla à Kaïla et lui dit « Ton travail n'est pas bon, car les caribous deviennent faibles et malades, et si nous les mangeons, nous deviendrons faibles et malades aussi. » Kaïla l'entendit et il dit « Mon travail est bon. Je vais parler à Amorak, qui est l'esprit du loup, et il parlera à ses enfants. Et ils mangeront les caribous malades, les faibles et les petits, afin que le pays soit réservé aux caribous gros et gras. » Et il en fut comme Kaïla l'avait voulu. Et c'est pourquoi le caribou et le loup sont un, car le caribou nourrit le loup, mais c'est le loup qui maintient le caribou en bonne santé. Je fus assez étonné de cette histoire. Je n'étais pas préparé à voir un Esquimau illettré me donner une leçon, même sous forme de parabole, illustrant la théorie de la survivance des plus aptes par le fonctionnement de la sélection naturelle. En tout cas, j'étais sceptique sur les heureux rapports entre le caribou et le loup dont Ootek affirmait l'existence comme un postulat. Bien que j'eusse été souvent éclairé par mes récentes expériences sur la prétendue vérité de bien des croyances scientifiquement établies concernant les loups, j'avais peine à admettre que le loup, intelligent et tout-puissant, limita ses déprédations aux bêtes malades et faibles, alors qu'il pouvait probablement choisir dans les hordes les caribous les plus gras et les plus succulents. En outre, j'avais un argument que je croyais une excellente munition pour démolir la thèse de Ootek. Demande-lui, dis-je, à Mike, comment il se fait qu'il y a tant de squelettes de grands et solides caribous autour de la cabane et dans la toundra sur des milles au nord d'ici. Pas la peine de le lui demander, répliqua Mike avec une impavide candeur. C'est moi qui ai tué tous ces daims. J'ai 14 chiens à nourrir et ça me prend 2 ou 3 caribous par semaine. Il faut que je mange moi aussi et ensuite il faut que je tue des tas de caribous partout sur mon terrain de chasse. Je pose 4 ou 5 pièges autour de chaque carcasse et je prends plein de renards quand ils viennent manger. Ça ne me servirait à rien de tuer des caribous qui n'auraient que la peau sur les os. Il me les faut gros et gras. Je fus horrifié. Combien penses-tu que tu en tues dans une année ? Mike eut un sourire d'orgueil. Je suis un sacré bon fusil, j'en tue 200 ou 300, peut-être même plus. J'eus quelque peine à me remettre du choc avant de pouvoir lui demander s'il en était de même pour les trappeurs. « Tous les trappeurs sont forcés d'en faire autant, me dit-il, les Indiens, les Blancs, sur toute la route que les caribous suivent jusqu'au sud en hiver. Il faut qu'ils en tuent des quantités, sans quoi ils ne peuvent pas piéger comme il faut. » Comme un seul homme, les trappeurs et les trafiquants niaient avoir tiré plus d'un ou deux caribous dans l'année, et comme un seul homme, ils avaient affirmé hautement que les loups massacraient les daims par milliers. J'essayais de transformer en chiffres les renseignements que j'avais sous la main. Comme je suis un esprit naturellement conservateur et respectueux de l'ordre établi, je divisai par 2 le nombre des trappeurs et j'en fis autant pour le tableau de chasse annuel de Mike avant de multiplier l'un par l'autre. J'eus beau refaire la multiplication 100 fois dans les 2 sens, j'arrivais toujours au chiffre fantastique de 112 000 caribous tués par les trappeurs chaque année dans ce territoire. Thank you. Les autorités compétentes avaient déjà fait une estimation semi-officielle du peuplement en loup dans le Keewatin. Elle se basait sur les informations fournies par les sources autorisées habituelles, les trappeurs et les trafiquants. Le chiffre obtenu était de 30 000 loups. En dépit du caractère primaire de mes connaissances en mathématiques, je réussis à calculer que cela représentait une densité moyenne d'un loup pour 15 km carrés. Si l'on tient compte du fait qu'un tiers de la surface de la toundra est sous l'eau et qu'un autre tiers consiste en collines de rochers dénudés où ni un caribou, ni un loup, ni même n'importe quel animal ne peuvent vivre, la densité montait à un loup tous les 5 km carrés approximativement. Cela me parut une densité particulièrement forte. En vérité, si cela avait été vrai, Otec et moi aurions éprouvé des difficultés à avancer sous la pression constante des loups. Malheureusement pour les théoriciens de la statistique, nous trouvâmes les loups largement éparpillés en groupes familiaux. Chaque famille occupait un territoire d'une surface variant entre 100 et 300 000 carrés. Les familles que nous rencontrions étaient d'importance diverse, depuis le simple couple d'adultes avec trois petits jusqu'à 7 adultes et 10 louveteaux. Comme dans tous les cas, sauf un, je ne pouvais rien apprendre sur leur statut familial sauf en les assassinant, ce qui m'aurait permis de déterminer leur âge et leur sexe. Je m'en suis remis une fois de plus aux renseignements d'Ootec. Il me dit que les femelles ne s'accouplent pas avant l'âge de 2 ans et les mâles 3 ans. Jusqu'à la reproduction, la plupart des jeunes loups restent avec leurs parents, mais même lorsqu'ils sont en âge de fonder une famille, ils sont souvent empêchés de le faire à cause du manque de territoire. Il n'y a pas assez de terrain de chasse pour fournir le minimum vital permettant à toutes les louves d'élever leur portée. Comme une surpopulation de loups dépassant les capacités de la région signifierait une rapide diminution des animaux consommables et la famine pour les loups eux-mêmes, ils sont contraints d'observer une sorte de contrôle des naissances par la continence. Certains loups adultes peuvent être forcés de rester célibataires pendant des années avant qu'un territoire soit libre. Néanmoins, et comme la période des brûlantes exigences amoureuses est courte, 3 semaines environ par an, ces vieux garçons et ces vieilles filles ne souffrent probablement pas trop de frustration sexuelle. À part le fait qu'il n'y a qu'un nombre fixe de territoires disponibles pour les loups, leur prolifération est apparemment réglée par une sorte de mécanisme de contrôle des naissances. Ainsi, lorsque les espèces consommables sont abondantes, ou la population en loups réduite, les louves peuvent mettre bas des portées plus nombreuses, allant parfois jusqu'à 8 petits. Mais si les loups sont trop nombreux et la nourriture rare, le nombre des petits peut tomber jusqu'à 1 ou 2 par portée. Cela est également vrai pour d'autres animaux de l'Arctique, comme le faucon à grosses pattes. Et dans les années où les petits mammifères sont nombreux, les faucons peuvent couver 5 ou 6 œufs à la fois, mais si les souris et les lemmings sont rares, ils peuvent ne pondre qu'un seul œuf et parfois même aucun. Les maladies épidémiques sont le facteur dominant qui assure, au cas où d'autres facteurs manqueraient à leur fonction, la limitation de la population des loups pour qu'elle n'excède pas les possibilités nourricières offertes par les animaux qu'ils consomment. Dans ces cas assez rares, où l'équilibre général est compromis, souvent par l'interférence de l'homme, et où les loups sont trop nombreux, ils commencent bientôt à dépérir physiquement à mesure que la nourriture se raréfie et que la malnutrition tourne à la famine. Dans ce cas, des épidémies dévastatrices de rage, de gale et de folie apparaissent immanquablement parmi les loups et leur nombre est rapidement réduit au niveau indispensable à la survie de l'espèce. Professeur Rémy Chauvin, les loups ont un rôle sanitaire en quelque sorte. Incontestablement, ils dévorent de préférence les malades, les affaiblis, les vieux, qui courent moins vite que les autres, bien naturellement. Donc ils les attrapent proportionnellement davantage. Et je dois dire que ce rôle sanitaire paraît concerner bien d'autres prédateurs que les loups. Par exemple, les renards mangent beaucoup de bêtes malades. On a dit que les loutres, j'en suis un peu moins sûr, mais enfin on l'a dit, jouent un rôle analogue vis-à-vis des poissons. Et je pense que dans beaucoup de cas, pour des raisons évidentes, des raisons d'affaiblissement, le prédateur mange d'abord celui qui est malade. De toute façon, dans un très grand nombre de cas, l'élimination des prédateurs a abouti très rapidement à des épisodes terribles, des épidémies qui ravagent les animaux, puisque les malades ne sont plus éliminés. À ce moment-là, un très grand nombre de maladies se développent qui n'auraient pas dû se développer. Et finalement, l'élimination des prédateurs aboutit à une diminution du nombre des animaux qu'on voulait préserver, bien pire que le nombre qui se maintenait lorsque les prédateurs étaient là. Mais cette régulation du nombre d'individus dans un groupe, elle se fait aussi par d'autres voies, je suppose. Ah, tout à fait vrai. Et même des études extrêmement récentes ont beaucoup augmenté nos connaissances là-dessus. On a découvert des choses véritablement étonnantes. Je vous avais parlé, lors d'un entretien précédent, de ces histoires d'oiseaux de mer qui nidifie sur une zone extrêmement limitée du rivage, et cette zone ne tolère évidemment qu'un certain pourcentage de nids. Les nids ne sont pas à touche-touche, comme on dit, et ils sont à quelques centimètres de distance, cette distance est sacrée, par conséquent, un nombre fixe de nids, et ce nombre est connu, ne peut être édifié que sur une surface donnée. Ceci aboutit, indépendamment du problème de comportement curieux que cela pose, ceci aboutit à une régulation absolument rigoureuse du nombre des couples nidifiants, et par conséquent à une régulation rigoureuse du pourcentage de la population qui sera appelée à survivre. Ceci est extrêmement important parce que c'est ce qu'on a appelé un mécanisme de régulation des populations qui est non darwinien. Il n'a rien à voir à la sélection naturelle, il n'a rien à voir avec la lutte pour la vie, et c'est dans l'instinct des animaux qu'il est déposé, voyez-vous. Mais il y a plus singulier encore. C'est ce que Wynne Edwards, un charmant vieux gentleman anglais qui s'occupe des oiseaux, que je connais fort bien, c'est ce que Wynne Edwards a trouvé. C'est ce qu'il a appelé d'un nom barbare le comportement épidéictique. Ça vient d'un mot grec encore plus barbare, épidéictnumie, je manifeste. Et Wynne Edwards a cherché à interpréter le comportement bizarre de certains oiseaux, mais alors, attention, en dehors de la période de reproduction, longtemps avant, quelquefois, si j'ai bonne mémoire, 2 mois avant. Ils se réunissent dans certains bras de mer, toujours les mêmes, qu'on connaît bien, à des endroits toujours les mêmes qu'on connaît également, et ils mènent un charivari absolument extraordinaire. Ils crient, ils battent des ailes, l'eau bouillonne littéralement par suite de l'immense quantité d'oiseaux fortement excités qui sont au même endroit. Alors qu'est-ce qu'ils font là? Bien, tout le monde se le demandait. Alors Wynne Edwards a proposé une hypothèse qui n'est peut-être pas sotte. Ils pensent qu'ils sont en train de décider, je mets décider entre guillemets, hein, le nombre de progéniteurs qui seront appelés à nidifier dans quelques mois lorsque s'ouvrira la saison des amours. Et voici comment. Wynne Edwards pense que lorsqu'il y a beaucoup d'oiseaux, lorsqu'ils sont hyper excités, l'excitation peut dépasser une certaine dose normale et souhaitable. Dans ce cas-là, d'une série de glandes, mettons l'hypophyse si vous voulez, serait trop excitée, sécréterait à l'excès, ça déréglerait la physiologie de la bête, et finalement, un certain nombre de produits génitaux n'arriveraient pas à maturation. Si par contre, les animaux sont hypoexcités, c'est-à-dire s'il y en a moins, dans ce cas-là, l'hypophyse fonctionnerait normalement et recevrait juste la quantité d'excitation qu'il faut, et la reproduction fonctionnerait à plein régime. Je simplifie outrageusement, bien entendu. Mais si c'est vrai, c'est un deuxième méthode de régulation de la population superposée au tabou des zones de nidification qui s'exerce sur presque tout le rivage, sauf sur certaines zones. C'est tout à fait étrange, qu'est-ce qui serait douté de ça ? Chez d'autres animaux. Eh bien, il y a peut-être plus fort encore. Ceci a été découvert alors chez les mammifères, mais ça existe aussi chez beaucoup d'autres animaux, par Christian, qui malgré son nom français est un Américain. Et il avait été frappé du fait que les souris qui se trouvent dans un certain endroit sont, à part des fluctuations bien entendu, dans un nombre relativement assez constant, compte tenu des réserves naturelles du territoire. Il s'est demandé pourquoi. Alors, il s'est demandé au laboratoire. Vous mettez des souris dans un terrarium. Vous leur donnez à manger et à boire à volonté, sans quoi l'expérience aurait pas de sens. Qu'est-ce que vont faire les souris? Ben, elles vont fabriquer d'autres souris, suivant la tradition de la gent souricière. Elles en fabriquent pendant un certain temps. Mais elles ne vont pas en fabriquer jusqu'au point où les souris seraient serrées comme des harengs en boîte. Bien loin de là. Très rapidement, les femelles vont s'arrêter complètement de procréer. En même temps, on s'aperçoit que les mâles sont follement excités. Ils sautent, ils se battent, ils mordent les femelles. Ils couvrent les femelles. Leur activité génitale est parfaitement conservée. Mais les femelles ne font plus de petits. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une excitation complexe de toute une série d'organes, et y compris de la surrénale des mâles, qui augmente énormément de poids, qui aboutit à dérégler chez les mâles et chez les femelles les potentialités de reproduction. Alors si vous faites un tunnel et que vous ouvrez ce tunnel dans un autre terrarium où les souris pourront se réfugier, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, vous allez assister au phénomène bien connu de la migration. Elles vont migrer dans l'autre terrarium. Ça va desserrer la population des souris qui se trouvait dans le premier terrarium. Et tout de suite après, la reproduction normale va reprendre sans problème jusqu'au moment où vous allez atteindre à nouveau un certain nombre limite et vous allez avoir une répétition du même processus. Alors lorsque Christian a publié la chose, cela a fait un charivari terrible dans le milieu scientifique. On l'a traité de visionnaire, ça arrive toujours quand un collègue trouve quelque chose de nouveau. Enfin, actuellement, on a réalisé je ne sais pas combien de recherches là-dessus, et on peut dire que les travaux de Christian ont été partiellement confirmés. Un de mes élèves en particulier a fait une expérience curieuse en expédiant dans un terrarium l'odeur d'une troupe de souris à une souris isolée. Il s'aperçoit que l'odeur seule suffit à faire grossir les surrénales de la souris isolée, ce qui est tout à fait étonnant. Donc il y a une composante sociale extrêmement compliquée, parmi lesquels il y a des stimuli odorants qui aboutissent au dérèglement physiologique dont j'ai parlé plus haut. Seulement, j'ai dit que les travaux de Christian ont été partiellement confirmés. Eh bien, ça ne marche pas toujours comme hypothèse. Et évidemment, il a remarqué que dans les campagnes de dératisation, on fait une campagne de dératisation au camp, ben, dirait monsieur de la Palisse, c'est quand il y a beaucoup de rats. Alors, c'est bien vrai que les surrénales des rats sont souvent très grosses, mais c'est pas toujours exact. Dans le cas des lémis, ces espèces de petits mammifères, des petits rongeurs de Scandinavie, qui donnent lieu parfois à des migrations catastrophiques, vous savez. Les lémings qui se suicident. Ils sont comme fous. Parfois, on a vu par exemple des milliers de lémings nager doigt devant eux dans la mer jusqu'à ce qu'ils soient tous noyés, n'est-ce pas? Des milliers, que dis-je, des millions. Eh bien, les lémings qui se livrent à ce genre de divertissement ont également de grosses surrénales. Enfin, citons encore un exemple pour être tout à fait loyal à l'appui de la thèse de l'ami Christian. Il y a les cerfs du château de Rambouillet, par exemple, cerfs Sitka, qui sont en très grand nombre dans le château de Rambouillet. On amène là-dedans des vieux diplomates à moitié aveugles, on va jusqu'à leur tenir le fusil. Ils tirent dans le tas, comme les cerfs sont aussi nombreux que des vaches, ils arrivent toujours à en tuer un. C'est du massacre, ça n'est plus de la chasse. Eh bien, on a tout de même remarqué que lorsque les cerfs étaient plus de 4 par hectare, ce qui ne paraît pas énorme, eh bien, il arrive déjà un syndrome rappelant celui de Christian. Il tombe malade, il attrape des épizooties, alors on s'est demandé pourquoi. Eh bien, on connaît maintenant la raison des maladies de population, en quelque sorte. Voilà, leur surrénale fabrique trop de corticoïdes, comme on dit, enfin, ils fabriquent trop d'hormones. Et vous savez, quand on vous injecte de la cortisone, on abaisse votre potentialité de résistance aux infections. Eh bien, quand la surrénale des cerfs, sous l'influence du groupement, fabriquent trop d'hormones, là aussi, leur potentiel de résistance aux infections diminue. Et c'est pourquoi ils attrapent des maladies. Alors la maladie a pour effet de baisser le nombre des cerfs, ce que pourraient aussi faire des prédateurs, vous comprenez? Si bien qu'il y aurait dans le fond deux mécanismes superposés, il y a la maladie de population qui survient, et puis il y a les prédateurs qui s'en occupent également. Dans le cas, par exemple, tenez le cas des énormes troupeaux de bisons d'Amérique. Vous savez que quand on a installé les chemins de fer dans la grande prairie du milieu de l'Amérique, on a été gêné souvent par les troupeaux de bisons. Vous savez qu'ils défilaient parfois devant la locomotive, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ça durait parfois 48 heures, en continu. C'est-à-dire, il y avait littéralement des millions de bisons. Ben, laissez-moi croire qu'à ce moment-là, l'air surrénal ne bloquait pas tellement la reproduction des bisons. Ou alors, le fait que le troupeau se déplace a peut-être une influence sur la régulation de la population, parce que les populations de souris dont j'ai parlé, c'est les populations sédentaires. Voyez-vous, ça se complique quand même un peu, tout ça. il y a sûrement un effet de territoire et de quantité de nourriture qui peut être mangée par ce troupeau ou par ces individus. Oui, et comme ils se déplacent. Maintenant, toutefois, quand même, dans le cas des souris, voyez-vous, la reproduction est arrêtée, mais je signale, j'insiste lourdement sur le fait que la nourriture doit être maintenue en surabondance. Alors, voyez-vous, dans le cas des souris, c'est décrocher de la nourriture, très nettement. C'est la proximité d'un nombre excessif de congénères au mètre carré qui provoque le syndrome surrénalien avec toutes ses suites. Voilà ce qui est curieux. Oui, mais je veux dire que dans le cas d'une régulation, la quantité de nourriture intervient. Lorsqu'il n'y a plus assez de nourriture, bon, mais il y a... Bien entendu, n'est-ce pas? Maintenant, vous savez, il y a des phénomènes également très bizarres à ce point de vue. Par exemple, dans l'immigration de sauterelles, ça a été un péché de jeunesse, j'ai fait une thèse sur les sauterelles dans le temps. Sur les sauterelles migratrices. Alors, les sauterelles migratrices, ben, leur propriété, c'est de faire des nuées de sauterelles, comme on dit. Je vais citer un chiffre qui est absolument ahurissant, je crois, que peu de gens connaissent, mais ceux d'entre nous qui ont vécu en Afrique du Nord savent que je n'exagère pas. Chaque sauterelle pèse à peu près 2 grammes. Eh bien, le poids d'une nuée de sauterelles de dimension très moyenne, et qui couvre 100 km², ce qui est peu, est de 70 000 tonnes, n'est-ce pas? Alors, on voit ces animaux très souvent, ça s'est vu, quitter un gras pâturage pour aller se jeter par milliards à la mer. Alors donc, dans le cas qui nous occupe, il y avait cette sorte de folie du groupe qui allait contre l'intérêt du troupeau qui consisterait à manger ce qui se présente, n'est-ce pas? Donc la nourriture joue, bien sûr, mais voyez-vous, il y a des tendances propres à l'espèce qui parfois surpassent et dépassent et contrarient son intérêt immédiat. Et comment ça se passe chez les hommes? Eh bien, évidemment, la première réflexion qu'on a faite lorsque ces recherches ont été publiées, c'est « et chez l'homme alors ?» n'est-ce pas? Eh bien, n'y allons pas si vite, demandons-nous ce qui se passe d'abord chez les singes, où on peut faire des expériences. Eh bien, chez les singes, jusqu'à présent, ça m'a l'air assez différent de ce qui se passe chez les rongeurs. Par exemple, dans le zoo, où il y a des singes beaucoup trop serrés, du point de vue physiologique, c'est absurde, eh bien, on n'a pas remarqué cet arrêt de la fertilité chez les femelles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les femelles sont battues, les mâles sont très excités, mais elles font des petits quand même. Quand on passe de là à l'homme, le moins qu'on puisse dire, c'est que, par exemple, dans l'Inde et chez les Chinois, le mécanisme de régulation analogue à celui des souris n'a pas l'air très apparent. Mais il ne faut pas aller trop vite. Il pourrait exister et être dissimulé par un autre mécanisme. Ça peut arriver. Toujours est-il que dans les phénomènes de démographie humaine, il y a des faits qui ne sont pas tellement faciles à expliquer. Un exemple seulement. Vous savez que la population de la France était en chute verticale avant la Deuxième Guerre mondiale et que les démographes avaient prédit qu'en 1950, nous serions 20 millions d'habitants. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Vous savez que la remontée de la population, la remontée brutale de la natalité, a commencé en 1941, au plus noir de la guerre. Oh, vous me direz, ce n'est pas étonnant, c'était les allocations familiales du gouvernement Pétain. Cette remontée a eu lieu en même temps dans toute la race blanche, y compris en Islande. Bon, vous savez, les incidences de la guerre en Islande, je n'y crois pas tellement. Dans toute la race blanche. Et jusqu'à présent, les démographes n'ont pas compris du tout ce qui s'était passé. Alors n'y aurait-il pas une sorte d'instinct de reproduction sur lequel on fabule, on rationalise une poussée qui nous vient peut-être du plus profond de notre histoire géologique. D'autre part, n'existait-il pas des régulations chez l'homme provenant de la présence de l'autre, comme chez les souris qui sentent l'odeur des autres? Alors ça, il y a seulement quelques années, tout le monde aurait dit c'est complètement stupide, tout le monde sait que l'odorat chez l'homme est atrophié, qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Eh bien, depuis quelques temps, depuis à vrai dire 3 ans seulement, découvert ce qu'on a appelé l'effet McClintock. McClintock était un médecin qui étudiait la santé des pensionnats dans les pensionnats de jeunes filles, et il remarqué un phénomène très curieux, qui est dans les chambrettes, où il y a 3 ou 4 jeunes filles, au bout de quelques semaines de vie commune, les règles surviennent en même temps, alors qu'avant, elles étaient évidemment tout à fait différemment réparties. On pense qu'une régulation, à point de départ probablement olfactif, survient, qui passant à travers tout le conscient, c'est rigoureusement inconscient tout ça, influence si profondément la physiologie des jeunes filles, jusqu'à synchroniser les règles, bien qu'elles n'en aient pas conscience. Alors voyez-vous, il y a toute une série de mécanismes sociaux fort énigmatiques et peut-être après tout extrêmement puissants, qui sont à découvrir chez l'homme. Et dans notre régulation démographique, interviennent probablement bien d'autres facteurs qu'une décision consciente d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant.